Chapitre 4. Je vais essayer de décrire sommairement quelques scènes de ma 10e année afin de concrétiser les explications qui précèdent. C'était au matin. Une grande lueur éclaire la cuisine, lueur jaune pâle pour mes parents et les serviteurs, très diverse pour moi. On sert le petit déjeuner, du pain avec du thé. Mais je ne prends pas de thé. On m'a donné un verre de chidam avec un œuf cru. Ma mère s'occupe tendrement de moi, mon père me questionne. J'essaye de lui répondre, je ralentis ma parole. Il ne comprend qu'une syllabe de ci de là, il hausse les épaules. Il ne parlera jamais. Ma mère me regarde avec compassion, persuadée que je suis un peu simple. Les domestiques et les servantes n'ont même plus de curiosité pour le petit monstre violet. La frissonne est depuis longtemps retournée dans son pays. Quant à ma sœur, elle a 2 ans. Elle joue auprès de moi et j'ai pour elle une tendresse profonde. Le déjeuner fini, mon père s'en va au champ avec les serviteurs. Ma mère commence à vaquer aux besognes quotidiennes. Je suis dans la cour. Les bêtes arrivent vers elle. Je les regarde avec intérêt. Je les aime. Mais autour, l'autre règne s'agite et me capte davantage. C'est le domaine mystérieux que je suis seule à connaître. Sur la terre brune, voici quelques formes épandues. Elles se meuvent, elles s'arrêtent, elles palpitent au ras du sol. Elles sont de plusieurs espèces, différentes par le contour, par le mouvement, surtout par la disposition, le dessin et les nuances des traits qui les traversent. Ces traits constituent en somme le principal de leur être, et tout enfant, je m'en aperçois très bien. Tandis que la masse de leur forme est terne, grisâtre, les lignes sont presque toujours étincelantes. Elles constituent des réseaux très compliqués, elles émanent de centre, elles en irradient, jusqu'à ce qu'elles se perdent, s'imprécisent. Leurs nuances sont innombrables, leurs courbes infinies. Ces nuances varient pour une même ligne, comme aussi, mais moins, la forme. Dans l'ensemble, l'être est figuré par un contour assez irrégulier, mais très distinct, par des centres d'irradiation, par des lignes multicolores qui s'entrecroisent abondamment. Quand il se meut, les lignes trépident, oscillent, les centres se contractent et se dilatent, tandis que le contour varie peu. Tout cela, je le vois très bien dès lors, quoique je sois incapable de le définir. Un charme adorable me pénètre à contempler les maudigaines. L'un d'eux, colosse long de 10 mètres et presque aussi large, passe lentement à travers la cour et disparaît. Celui-ci, avec quelques bandes larges comme des câbles, des centres grands comme des ailes d'aigle, m'intéresse à l'extrême et m'effraie presque. J'hésite un instant à le suivre, mais d'autres attirent mon attention. Ils sont de toute taille. Quelques-uns ne dépassent pas la longueur de nos plus menus insectes, tandis que j'en ai vu atteindre plus de 30 mètres de longueur. Ils avancent sur le sol même, comme attachés aux surfaces solides. Lorsqu'un obstacle matériel, un mur, une maison, se présente, ils le franchissent en se moulant sur sa surface, toujours sans modification importante de leur contour. Mais lorsque l'obstacle est de matière vivante ou ayant vécu, ils passent directement. C'est ainsi que je les ai vus 1000 fois surgir d'un arbre et sous le pied d'un animal ou d'un homme. Ils passent aussi à travers l'eau, mais demeurent préférablement à la surface. Ces maudigaines terrestres ne sont pas les seuls êtres intangibles. Il est une population aérienne, d'une merveilleuse splendeur, d'une subtilité, d'une variété, d'un éclat incomparable, à côté de laquelle les plus beaux oiseaux sont ternes, lents et lourds. Ici encore, un contour et des lignes. Mais le fond n'est plus grisâtre. Il est étrangement lumineux. Il étincelle comme le soleil, et les lignes s'y détachent en nervures vibrantes, les centres palpitent violemment. Les vurènes, ainsi que je les nomme, sont d'une forme plus irrégulière que les maudigaines terrestres, et généralement, ils se dirigent à l'aide de dispositions rythmiques, d'entrecroisements et décroisements, que, dans mon ignorance, je ne puis déterminer et qui confondent mon imagination. Cependant, j'ai pris ma route à travers une prairie récemment fauchée. Le combat d'un meuding avec un autre attire mon attention. Ces combats sont fréquents, ils me passionnent violemment. Quelquefois, c'est un combat d'ego. Le plus souvent, l'attaque d'un fort contre un faible. Le faible n'est pas nécessairement le plus petit. Dans le cas présent, le faible, après une courte défense, se met en fuite, vivement poursuivi par son agresseur. Malgré la rapidité de leur course, je les suis. Je réussis à ne pas les perdre de vue jusqu'au moment où la lutte reprend. Ils se précipitent l'un vers l'autre, durement, rigidement même, solides l'un pour l'autre. Au choc, leur ligne phosphore se dirige vers le point de contact, leur centre pâlissent et se rapetissent. D'abord, la lutte se maintient assez égale. Le plus faible déploie la plus intense énergie et réussit même à obtenir une trêve de l'adversaire. Il en profite pour fuir de nouveau, mais il est rapidement atteint, attaqué avec force et enfin saisi, c'est-à-dire maintenu dans une échancrure du contour de l'autre. C'est précisément ce qu'il avait cherché à éviter en répondant au choc du plus fort par des chocs moins énergiques mais plus précipités. Maintenant, je vois toutes ces lignes trépider, ses centres battre désespérément, et à mesure les lignes pâlissent, s'affinent, les centres s'imprécisent. Après quelques minutes, la liberté lui est rendue. Il s'éloigne avec lenteur, terme, débilité. L'antagoniste, au contraire, étincelle davantage. Ses lignes sont plus colorées, ses centres plus nets et plus rapides. Cette lutte m'a profondément remué. J'y rêve. Je la compare aux luttes que je vois parfois entre nos bêtes et nos bestioles. Je saisis confusément que les maudigaines, en somme, ne se tuent pas, ou rarement, que le vainqueur se contente de prendre de la force aux dépens du vaincu. Le matin avance, il est près de 8 heures. L'école de Zwartendam va ouvrir. Je fais un bond jusqu'à la ferme, je prends mes livres, et me voici parmi mes semblables, où nul ne devine les profonds mystères qui palpitent autour de moi, où nul n'a la plus confuse idée de vivant, à travers lesquels passe l'humanité entière, et qui traverse l'humanité, sans aucun indice de cette mutuelle pénétration. Je suis un bien pauvre écolier. Mon écriture n'est qu'un tracé hâtif, informe, illisible. Ma parole demeure incomprise, ma distraction est manifeste. Continuellement, le maître s'écrie. Carrel Onderite, avez-vous bientôt fini de regarder voler les mouches ? Hélas, mon cher maître, il est vrai que je regarde voler les mouches. Mais combien plus encore mon âme accompagne-t-elle un des vurennes mystérieux qui vont par la salle ? Et quels étranges sentiments obsèdent mon âme enfantine à constater l'aveuglement de tous, et surtout le vôtre, grave pasteur d'intelligence ?